Bon, ci biir bagage yi dinga ci fekk deux appareils walkie-talkie. Maa ngi ko couvrir nii. Appareils yu lan la? Mën da ngay mën a woote ñaari appareils comme mooy comme yi policier di utiliser ak yooyu, mën nga woote ci lu sore ak yu demee noonu. Yoo dama bëgg nga jël ko dencal ma ko à côté insha allah ba suñu borom di yombal. Ni ma ko paquete noonu maa ngi ko bind paquete pour après pour ñu bàyyi ko noonu rek attaché biir paquet bi ila xëy ba balaa suñu borom di yombal. Ñu ngi tudd appareil téléphone la walkie talkie la tudd. Waaw mën nga ci wax ak keneen ku wax entre 6 kilomètres. Ñu nekk si benn place bu nga xam ne 6 kilomètres yéen di ngeen di waxante di déggante comme yu policiers yi di yor rek. Barakallahu fikum.